Bienvenue à Objectif numérique, épisode 23. Au menu, y a-t-il perte de qualité entre une ouverture de F11 et F22, un capteur Canon qui voit dans l'obscurité et le test du Nikon 1J3. Alors, au micro, comme à l'habitude, de Christian Jarry. Bonjour. François Blanchette. Salut. Et moi-même, Stéphane Vaillancourt. Et on va entamer tout de suite l'épisode avec une question qui nous vient de Twitter. Et oui, ça fait quelques épisodes que tout est concentré sur Twitter, ben ou oui, presque. Il nous écrit souvent Twitter. Hein? Oui, oui, c'est un fidèle auditeur. Oui, définitivement. Alors, dans plein de langues, on dirait. Ben d'ailleurs, l'utilisateur, son nom, c'est TienM054. Qui nous pose une question assez détaillée quand même. Je vais laisser François nous énumérer ça. Il veut savoir s'il y a une différence de qualité si on prend une photo à F22 ou plus ouvert que ça. Alors, la réponse est oui, il y a une différence. Ah, alors voilà, ça conclut. C'était une facile, ça, là, finalement? Oui, oui, c'était une facile. Non, je vais quand même élaborer un petit peu. Je dois avouer que je le savais, mais j'ai dû rechercher un petit peu là-dessus parce que je ne savais pas exactement pourquoi. Mm-hmm. C'est vraiment une question de lumière. Quand on est à F22, le diaphragme est très fermé. La lumière va moins bien se répartir sur le capteur avec la réfraction de la lumière puis les aberrations dans le verre aussi. Donc, c'est vraiment une question physique. Et c'est encore plus vrai quand on utilise un objectif grand angle. Okay. J'imagine à cause de la courbure de la lentille sur le dessus. Alors, à F22, ce qui arrive souvent, c'est que, étant donné qu'il y a moins de lumière qui entre, la vitesse aussi doit ralentir, la vitesse d'exposition, pour qu'on puisse avoir assez de lumière. C'est correct si on a un background, un paysage qui ne bouge pas du tout. Est sur trépied, là, disons. Ah, trépied ou pas, parce que ça peut être un arbre avec des feuilles au vent. Ça peut être... Si on veut que tout soit immobile, on a un problème parce que là, on tombe à une vitesse plus lente parce qu'on a décidé d'avoir une ouverture plus fermée. C'est bon, ça. Le but étant d'avoir tout au focus. C'est ça qu'on veut essayer d'aller obtenir en utilisant F22. On n'est pas obligé. On peut aller à F11 et avoir une plus grande vitesse d'obturation, mais on va surtout gagner en qualité de netteté. Parce que F22, c'est ça. Pour la raison que je disais, ça ne sera pas plus clair. Il y a peut-être des objectifs qui sont capables d'y arriver là, à F22 puis d'avoir une qualité. Mais de ce que j'ai lu, même avec du Canon, du Nikon, des objectifs de haute qualité, il va quand même avoir des problèmes dans certains cas. Okay. Il y a des situations qu'il faut utiliser F22. Par exemple, quand on se retrouve avec un sujet qui est quand même assez proche de l'objectif, puis un décor à l'arrière très, très loin, puis on voudrait que tout soit au foyer, il faut utiliser dans certains cas le F22. Mm-hmm. Bon, là, il faut privilégier, comme tu disais tantôt, un trépied, pas bouger, essayer de trouver quelque chose qui ne bouge pas trop à l'arrière, puis ça va fonctionner. Il y a quand même une limite là, à chercher des bébites là, dans une photo avec des aberrations et tout ça. C'est ça. On peut aussi sauver, si on n'avait pas le choix ou qu'on s'aperçoit après, parce que souvent sur les caméras, les petits écrans ils sont pas assez gros, on peut pas aller voir vraiment s'il y a un petit problème technique dans notre photo. On s'en aperçoit évidemment qu'on arrive sur notre gros 21 pouces à la maison puis on fait notre retouche photo. Ben, un logiciel comme Lightroom, par exemple, il y en a d'autres, mais je parle de Lightroom parce que je l'utilise beaucoup, va aider à aller récupérer un peu ces petites erreurs-là qui se passent quand on se retrouve avec un diaphragme trop fermé pour rien. Parce que ça donne rien de se mettre à F22 juste pour avoir plus de profondeur. Non. Alors, surtout si on prend un paysage qui est éloigné. Alors voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Ben maintenant, Christian, une nouvelle pour nous. Il semblerait que le prochain capteur de Canon pourrait voir dans le noir, dans l'obscurité. Bon, le prochain, faut comme pas exagérer, là, mais disons que Canon, comme on s'en doute, font des tests pour avoir des nouveaux capteurs, des nouvelles fonctionnalités. Celui-là, de dire que c'est impressionnant, je pense que c'est le mot est faible. Okay. Vraiment, là, quand ils disent de voir dans le noir, on voit une photo prise du ciel, puis tu vois à peine d'étoiles, là, c'est minimal. Puis la photo prise avec cette ce capteur-là, ben, parce que j'appellerais pas ça un appareil photo, là. En tout cas, ça a l'air, c'est une boîte carrée qu'ils ont pris. Un prototype. Là. C'est pas. En tout cas. Disons que je me promènerais pas avec ça dans la rue. Là. Mais on voit là, un niveau de détail impressionnant. Là. On voit le bleu, on voit les couleurs, on voit tout on ça. On voit les nébuleuses. On voit les nébuleuses, hein? etc. Puis je veux dire, ça reste quand même que c'est. Juste un appareil, là. Il n'y a pas. Tout ce qu'ils ont changé, ben. Tout ce qu'ils ont changé, c'est pas mineur, là. Ils ont tout changé. Non, c'est. Ce qu'ils ont fait, dans le fond, c'est que chaque pixel est 19 microns carrés, exactement, de grosseur. Ce qui est 7,5 fois plus que la 1DX présente en ce moment. Wow, okay. Et la 1DX est déjà reconnue pour avoir une excellente qualité. En basse luminosité. Là. Des grands fait photosites, que, finalement. Exactement. Ouais, ouais. Il parle, c'est ça, qu'on est capable de voir un vidéo avec... Ça va vous dire quelque chose plus au caméraman, peut-être à côté. Moi. Bonjour. 0,03 lux d'illumination. Ah oui. Ça, là, c'est un petit chiffre, ça. Parce qu'en fait... ça quand même, non, mais, ben, je suis pas un expert, mais je me doute que ça doit pas être beaucoup. Pour donner un exemple, une chandelle... Oui, une chandelle, écoute, c'est je pense que c'est un luxe. Oui, je crois que c'est l'unité de base. Ouais, une chandelle, c'est un luxe. Ouais. Donc, imaginez 0,03 lux de lumière. Oui, puis, tu sais, une chandelle, ça éclaire pas vraiment. Là. Non. Il faut ralentir l'exposition là, avec une chandelle, beaucoup. Fait que, mais moi, s'il y a un appareil bon. Comme ça qui sort sur le marché pour les consommateur, je m'en procure un parce que j'ai jamais fait vraiment de photos d'astronomie, mais je vais m'y mettre assurément avec un appareil comme j'ai ça. J'ai essayé, j'ai fait des essais, moi, puis c'est pas évident. Ah non, t'as là, des points pas... blancs, tu vois quelques petites étoiles, exactement. Mais c'est tout, là. Mais tout comme, petite parenthèse, vous connaissez Stanley Kubrick? Mm-hmm. Oui. Il a fait un film, faudrait que je revérifie pour le nom, mais il y avait un objectif spécial qui a été fait pour ça, qui est de 0,80 quelque chose, en tout cas 96, je crois, si ma mémoire est bonne. C'est gigantesque, cette affaire-là. Je le mettrai la photo sur le site. Mm-hmm. Mais pourquoi il a fait ça? C'est parce que c'est justement, il voulait faire tourner une scène seulement à la chandelle. OK. Il a tourné une scène seulement à la chandelle. On peut la voir d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, sur YouTube. En tout cas, ça se peut qu'elle ait été enlevée depuis, là. Mais... Ça serait pas dis... Eyes Wide Shut? Non, c'est beaucoup plus vieux que okay. ça, là. Mais c'est ça, tu dis, tout ce qu'il y avait comme illumination, là, c'est des chandelles. Mm. C'est tout ce qu'il y avait. Fait que ça y prenait un objectif, là, qui rentre, là, le minimum, là. Tout ce qu'il était capable d'avoir comme lumière, là, il fallait qu'il puisse le chercher. Mm-hmm. Puis imaginez qu'est-ce qu'il aurait été capable de faire avec un appareil comme ça. T'sais, c'est ça, là, c'est les capacités de tout ça font que ça t'ouvre des options qu'on n'aurait jamais pu soupçonner, là. C'est assez impressionnant. Bon. Merci bien. Et maintenant, on va passer au test du Nikon 1J3. Donc, le Nikon 1J3 vient en trois configurations. La première configuration de base vient avec un objectif 10 à 30 mm. Qui est, je n'irai pas trop dans les chiffres pour chacun, là, mais l'objectif de base 10-30 est à f3.5 jusqu'à f5.6. La deuxième configuration vient avec deux objectifs, donc le 10-30 mm et le 30-100 mm. La troisième configuration, moi, c'est celle que j'ai testée, c'est un 10-100, donc qui combine les deux, à ouverture f4 à f5.6. C'est pas mal. C'est pas si mal. C'est juste un cran, c'est pas pire, moi, je trouve. Ça. Oui. Non, puis là, au niveau des prix, dans l'ordre, on y va à 629 $ ou 579 € pour le 10-30 seulement. Alors, on est à 879 avec les deux objectifs et à 1079 avec le 10-100. Oh. Ça semble un peu cher, mais je dois vous dire que j'ai bien apprécié cet appareil. C'est un appareil qui vient tout juste de sortir en février. Et évidemment, si au cas où vous ne vous en doutiez pas, c'est un micro 4 tiers. À objectif interchangeable, évidemment, mais il n'y a pas une grosse gamme encore d'objectifs là, pour les Nikon 1. Mm-hmm. Par contre, pour avoir testé avec le 1100, moi je suis habitué avec une 1750. 1100, c'est merveilleux, ça fait amplement le boulot. Oui, j'en doute pas. C'est un bon range là, quand même. Là. Puis, Ton 10, par contre, il ne doit pas être un vrai 10. Ça ne doit pas être loin du Non, ça doit 20... être un 20 ou 20 quelques, là, mais ça revient quand même à l'équivalent mais c'est quand même assez large. Là. Oui, oui. Ça revient à l'équivalent, mettons, de mon 17 qui donne 24, 20, mm-hmm. 28 dans ces coins-là. C'est un grand angle, mais c'est pas un très grand angle. Là. Non, on s'entend que... On est très comparable à ma 24-105 rendu à ce point-là en ton 10-100. Là, ça doit être à peu près le même range. Puis encore, ben, ton 24-105, ça va être même c'est plus 36, en fait. C'est vrai. Ça. C'est vraiment comme ma 17, mettons, mm-hmm. là, et plus. Ensuite de ça, bon, c'est un capteur CMOS 1 pouce de 14.2 mégapixels. Donc, un capteur intéressant. On a une plage ISO de 160 à 6400. L'ISO utilisable, je dirais, jusqu'à 3200 sans trop de grain. 1600, c'est parfait. 3200, il commence à avoir du grain. Mais c'est encore utilisable. Mais c'est un capteur Nikon. Déjà... Ouais, ouais ils ont souvent la réputation d'être un petit peu mieux par rapport ça. À ça. Donc, moi, je l'ai trouvé très bien là, en faible luminosité. Bon, on peut enregistrer des images en RAW, en JPEG ou les deux en même temps. Mm-hmm. Et bon, c'est un bel appareil. Le design est beau. Il est disponible en plusieurs couleurs. Là, ça dépendant de la configuration, par contre. Mais au total, là, il y a du noir, du rouge, du gris, du blanc et du beige. Ça, j'étais moins convaincu un peu du beige. On veut repartir une mode, là? Oui, ouais. Ben là, j'ai eu le brun là, de l'autre jour, Fujifilm XF1. Ouais, non. Mais là, non. Beige, je vais vous le montrer. J'ai pris des photos, évidemment. Elles sont dans les notes d'épisode. Ah, tu l'as eu beige? Oui, je l'ai eu beige. Ah, mais je suis content parce que... Toi. Ben, j'étais pas content. Ouais, ben non, t'es content parce que c'est pas... ton appareil c'est à toi. Ça. Mais je suis content parce que je peux le montrer pour dire évitez de prendre cette couleur là. Moi j'avoue que tu me parles de beige c'est, là, c'est pas vendeur. Moi j'irai avec blanc. Le blanc j'aime bien ça pour un appareil photo tu sais 4 tiers ou moderne, c'est beau. Un noir, c'est beau. Un rouge si vous aimez flasher. Le gris à la limite, ça peut être très beau aussi. Par juste contre, je ne l'ai pas vu. Mais beige? Ben, pense aux gens qui ont encore une tour PC là, des années 90. C'est vrai. Ça va très bien. Pourquoi avec leur tour, leur 386. Ça existe encore, ou, ça? Ah oui. Ou les gros fumeurs, là, l'appareil ne changera pas de couleur. Ah là, tu viens de faire un jugement. Ah, oh, c'est pas fin. C'est que j'ai réparé beaucoup de PC dans oui, une autre vie. Oui, et je sais ce que les boîtiers changeaient de couleur. Bon, les fans étaient un petit peu aussi embourbés, les ventilateurs, disons. Les animaux, la fumée de cigarettes, ouais, c'est ça. Sans commentaire. Mais donc, c'est ça. Par contre, si vous cherchez un des kits, un des ensembles en particulier, vérifiez soit sur le site de Nikon ou en magasin, parce que c'est pas toutes les couleurs qui sont différentes selon la configuration que vous choisissez. En autant que le 1100 n'est pas juste disponible en beige, c'est non, correct. Mais il est disponible en beige, mais il y a d'autres couleurs. OK. Le boîtier est très compact. C'est l'équivalent peut-être du Sony RX100, je dirais. Là. Donc, à ben, la base... Sans l'objectif, là. Sans l'objectif. Ouais. Mais le boîtier est mais très... c'est pas gros, parce non, que... c'est pas gros. Un petit peu plus gros, mais pas beaucoup. Parce que le RX100, il est déjà particulièrement compact, je trouve. Oui, mais une fois qu'on met un 1100 là-dessus, ça débalance. Là, il faut vraiment tenir l'objectif parce que le boîtier est trop petit dans nos mains. Mais... Par rapport à ton objectif que toi, t'as pour ta Sony... c'est quoi la grosseur de cet objectif-là? Parce que moi, je pensais à 1100, puis tout de suite dans ma tête, je me suis dit, tabarnouche, ça doit être assez... C'est un peu plus du double, là, je dirais, de mon Sony Nexus. Là. Mais il n'est pas gros, l'objectif de mon Nexus, quand il est non, fermé. Là. Non, non. Ouais. Par contre, mais ça encore, vous aurez des photos sur dans les notes d'épisode. Je l'ai photographié complètement ouvert à 100 mm. C'est long. Ça doit, oui. Ça doit. Fait au moins 6 pouces. Là, ah oui? Ah oui, oui. Oh boy. Donc, puis en centimètres, ça donne un bon 15 centimètres, sinon un peu plus. C'est très long. Ça le débalance-tu? Oui, ça le débalance. C'est mais non, mais quand pas quand on l'a en main. Oui, c'est ça, quand si on l'a en main, c'est pas... Mais en main, il est pas pesant. Là. Quand on l'ouvre à 100 mm, la portion qui sort n'est pas très lourde. Là. Non, ça, mais ça se manipule bien. Okay. Par contre, il faut vraiment tenir l'objectif et ouais, le boîtier. Sinon, ça fait aucun sens. Donc, c'est ça, j'ai fait, dans mes tests, là, j'ai fait une photo comparative à 50 mm, f5.6 et 800 ISO, environ 1/25e ou 1/30e de seconde, là, entre, pour comparer le J3 et mon 60D, juste pour donner une idée. Les photos sont très similaires. Ma 60D, même à 800 ISO, donnait un peu plus de bruit. Le Nikon. Ça me surprend pas. Par contre, le Nikon, le J3, probablement à cause de la taille du capteur, compressait plus l'arrière-plan, le background. Donc, Oui, c'est la, ça, c'est la grandeur du capteur. Ben, c'est carrément c'est la taille du capteur. Oui, c'est ça. Tu peux pas tout avoir à un moment non, donné. C'est ça. Mais par contre, si on fait pas de photos comparatives comme ça, ben ça va faire le boulot. Là. C'est vraiment non, parce que moi, je comparais deux photos prises dans les mêmes conditions avec les mêmes paramètres, là, ou à peu près. Là, j'ai remarqué vraiment que... puis je vais les publier aussi, ces photos-là. Vous allez voir que l'arrière-plan, en fait, c'est une petite maison en Lego. Là. Je sais pas d'où j'ai reçu ça, ces Lego-là. Ces blocs Lego. Mais bon, vous allez voir que la maison est beaucoup plus rapprochée du petit personnage dans la photo du Nikon. Mais reste que, bon, il y a une bonne profondeur. On peut donner un effet, là, le flou artistique, le flou de profondeur de champ et tout ça quand même. Là. L'objectif à un pouce est quand même assez gros. Donc, pour passer dans les points positifs, parce qu'il y en a plusieurs. Moi, j'ai bien aimé l'objectif 10-100. Il couvrait une grande plage focale, donc ça sert dans absolument toutes les situations. Et avec le facteur de rognage, ben, on tombe à 200 quelques millimètres quand on est zoomé au maximum. Donc, c'est comme avoir un 25-200 dans son appareil. Là, c'est génial. Oui, c'est impressionnant. Et les contrôles, à la base, c'est très simplifié. La molette semble nous donner seulement trois modes automatiques. Puis là, au début, je cherchais, je me demandais, mais où sont les modes manuels? Mais là, il a fallu aller jouer un peu dans les menus. Mais une fois que ça, c'est configuré, après ça, c'est génial. On utilise les boutons ou les molettes à l'arrière du boîtier. Puis on peut configurer son ouverture et toutes ces choses-là. Donc, mais pour quelqu'un qui veut le prendre en main, il se met en mode automatique. Peut commencer à prendre des photos, puis ça fonctionne très bien. Là, même en mode automatique, on a quand même des bons résultats. L'écran, bon, un écran de 3 pouces qui affiche 921 000 points, donc très bonne résolution, mais n'est pas tactile. Par contre, il affiche vraiment sans aucun délai. Là, quand on tourne l'appareil d'un côté ou de l'autre, il n'y a aucun délai d'affichage dans l'écran. C'est vraiment instantané. Ça commence à disparaître de plus en plus. Hein, excellent. Donc, c'est une bonne chose. Ça, c'est probablement le point qui est le plus fatigant. Oui, exactement. Il y a beaucoup d'appareils ou ceux qui ont un viseur optique, mais qui est numérique, si on veut. Ça, souvent, on a un délai. Ce n'est pas étourdissant, mais c'est agaçant. Oui, c'est agaçant. Mais là, on n'a vraiment pas de délai avec la réalité ou à peu près pas. Là. C'est vraiment bien de ce côté-là. Je dirais que c'est le plus rapide que j'ai vu à ce jour. Le bouton vidéo est bien positionné. Il est sur le dessus, à côté du déclencheur, mais il y a un petit point renfoncé qui permet de le distinguer et il n'est pas la même taille non plus. Donc, on ne peut pas se tromper en disant « Oh, je vais prendre une photo, mais non, j'ai accroché le bouton de la vidéo. » C'est pas la même chose. C'est juste en prenant le bouton de la vidéo, ça part la vidéo, puis tu n'as pas besoin d'activer rien d'autre. Non, exactement. Ça, c'est génial. C'est parfait. C'est parfait. Oui. Ensuite de ça, il y a la stabilisation optique, il y a la réduction du bruit automatisé si on veut, il y a un contrôle d'auto-distorsion. Ça permet les modes de mesure, là, mesure matricielle, pondéré central et spot. Donc on peut vraiment jouer avec tout, là, c'est juste qu'il faut aller dans les menus. Mais une fois qu'on a maîtrisé, qu'on s'est mis ça dans la tête qu'il fallait jouer dans les menus, l'appareil fait absolument tout ce qu'on veut. Au niveau de la mise au point, on a une mise au point automatique, on a AFA, on a ponctuel et continu, et on a une mise au point manuelle avec la molette. Et quand on fait la mise au point manuelle, on a le choix entre un zoom 2X, 5X ou 10X, donc vraiment pour rapprocher notre sujet, pour voir si on est vraiment au point, là, au focus. Ouais. C'est vraiment bien. Moi, sur la Nexis, j'ai découvert que je l'ai, mais c'est seulement un 2X. Ouais. Donc, même si j'allais avec un zoom, ça me rapproche seulement de deux fois. Peut-être que mon sujet sera encore un peu loin si j'ai vraiment besoin de voir le détail. Mais avec celui-là, on a vraiment le choix. Là. C'est génial. Très pratique, ça, en vidéo, avec les caméras 5D, 7D, qui sont utilisées quand même un peu en télé. On se sert beaucoup de cette fonction-là pour aider à faire notre mise au point. Oui. Ben, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a fait découvrir que je l'avais sur mon Nexis. En voyant ça, je me suis dit « Ah, mais c'est génial! Ouais. » Mais là, qu'est-ce qui arrive quand moi, je me mets en mode manuel sur ma Nexis? Ben là, j'ai découvert que je l'avais à 2X, qui est quand même mieux que rien. On se contente de ce qu'on a. Oui, absolument. Non, mais je l'aime, mon Nexis. Là. Il est compact, mais bon, il ne remplacera pas mon 60D pour mes photos vraiment de qualité, de précision, etc. Mais sinon, là, c'est vraiment... Bon, mais c'est pas de lui qu'on parle, de toute façon. Donc, de retour au J3, au Nikon J3. Mode rafale, petit mode rafale intéressant, jusqu'à 60 images secondes en RAW. À la même grosseur, là, à 13, comment tu dis de... 14,2 mégapixels. Par contre, ben, ouais, avec le focus verrouillé sur le premier point de focus. Là. Mais comme quand tantôt, même. Ben, là, c'est impressionnant. Mais c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Ouais. Sinon, on peut aller à, si on veut, en autofocus continu, on peut aller jusqu'à 15 quand photos. Quand même. 15 images secondes. C'est impressionnant. C'est rapide. Oui, oui. Ouais. Et on a 7 modes de balance des blancs, dont celui de la plongée sous-marine, qui est intéressant. Mais si vous avez un boîtier pour un boîtier étanche... Oui, les fameux boîtiers plus chers que l'appareil. Oui, là. C'est ça. C'est vrai pareil. Hein, c'est, en tout cas. Puis on a un mode même personnalisé pour la balance des blancs. Là, puis le mode automatique, bien sûr. Bon, même avec une ouverture de F4 aussi, j'ai fait des tests. Puis on réussit à faire des beaux flous d'arrière-plan, des flous artistiques. Là, c'est pas mal le parce minimum que... F4 d'habitude pour avoir de quoi. Oui, bien surtout, on se place à, mettons, à 80 ou 100 mm quand tu es à F4. Bien là, c'est vrai qu'à 80 ou 100, tu tombes à 5.6, là, mais ouais. Je réussissais quand même à faire des flous là, mm-hmm. intéressants. J'en doute pas. Puis au début, à F4, là, ça sort quand même bien. Donc ça fait pas mal le tour des points positifs. Les points négatifs, c'est pas des points majeurs, mais quelques petits trucs que j'aurais aimé voir ou que j'aimerais voir sur peut-être la prochaine itération. Il n'y a pas de viseur, donc ni optique ni numérique. Donc à l'extérieur, au gros soleil, c'est le même problème qu'à peu près tous les autres appareils. C'est difficile, il y a des reflets dans l'écran. Ça, tu vois, j'en doute qu'en rajoute un. Je remarque que la tendance est à les enlever en général. Mais il faudrait vraiment trouver un type d'écran, parce que même sur les téléphones ou les tablettes, c'est le même problème. C'est vrai. Il y a toujours ce même foutu problème depuis des années. Dès qu'on est dehors au gros soleil, on voit rien. Ou à peu près rien. Il n'y a toujours pas de Wi-Fi, mais bon, la plupart des appareils Nikon n'ont pas de Wi-Fi intégré. Il faut avoir le petit adaptateur. Et c'est compatible avec le petit adaptateur Wi-Fi là, de Nikon, qui coûte, je crois, une soixantaine de dollars. Ou... Au pire, tu as la carte, la Hi... Oui, la Hi-Fi, la carte Hi-Fi. Donc, ça aussi, ça peut être pratique. Sinon, ben, c'est ça, la molette des modes ne comprend aucun mode semi-automatique ou manuel. Il faut vraiment passer par les menus, comme ça, je disais. Ça, c'est dommage un peu, j'avoue. C'est ça. J'aurais aimé avoir un mode, justement, plus rapide ouverture à utiliser, ou vitesse. Puis là, à ce moment-là, utiliser tout de suite les molettes. Ça aurait pris 2 crans de plus sur molette, puis ça aurait été possible de le faire. Donc, c'est un petit point négatif, parce qu'il faut passer par le mode créativité, qui n'était pas clair au départ. En tournant la molette, ça m'a dit mode créativité. J'ai dit, bon, mais c'est les effets préprogrammés. Ouais, ouais. Non, c'est avec ce mode-là qu'on tombe dans les modes semi-automatiques ou le mode manuel. Aha. Donc, un peu étrange, ouais, mais ouais. Ben, c'est pas intuitif. Non, ben c'est ça. Ben, une fois qu'on le sait, après, ça va bien. Ouais, ouais. Mais en mode manuel, par contre, ce que j'ai pas aimé non plus, c'est qu'on peut pas régler l'ISO avec la molette. Il faut repasser par le menu. Le menu traitement d'image. Ça, c'est pas pratique du tout parce que l'ISO, des fois, on n'a pas le choix, on doit le changer. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boutons sur l'appareil. Non, c'est en ça, c'est un design assez minimaliste. Ouais. Mais c'est ça la contrepartie de tout ça, c'est souvent le cas. Ouais. Donc, des petits manques ici et là, mais ça reste un appareil très performant. Là. Puis la pile? J'ai pas testé la pile. Je sais pas. Je vais l'écrire dans les notes là, pour voir la durée qui a été faite. Là. Qui a été testé sur différents sites. Ouais. Ça arrive. Oh oui, c'est ça. Sinon, dans les autres modes, à part le mode créativité, là, les contrôles sont beaucoup trop simplifiés. Si on veut déterminer la profondeur de champ, on a une espèce de petite jauge sur le côté qui est affichée à l'écran, mais qui n'a rien à voir avec la réalité qu'on voit à l'écran. Donc, on a une petite jauge qui dit très flou, puis là, on monte jusqu'à très peu de flou ou vice-versa. Mm-hmm. Mais à l'écran, on ne verra pas la différence. C'est une fois qu'on va avoir sélectionné le mode qu'on veut, là, à l'écran, on va avoir une idée de ce que ça donne. Ah bon, ouais, je comprends. Donc, il faut vraiment y aller au pif. Comme tu disais, c'est toute la convivialité qui est moyenne un peu, on dirait. Ouais, c'est pas, c'est des petits trucs agaçants, mais ça, c'est si tu es dans un mode vraiment 100% automatique. Donc, tu décides pas, je vais y aller avec l'ouverture 4.0 ou 5.6. Mais ça me surprend parce que c'est pas la J3 qui ont comme sorti un appareil simplifié, justement, qui s'appelle le S1, je pense. Ouais, exactement. Ouais. Moi, je me serais attendu que le S1 aille... Ce que tu me dis là, ça aurait été comme ça, puis un peu plus poussé pour le J3. Sais-tu quoi? J'ai regardé le boîtier pendant que je le testais pour m'assurer que c'était bien la bonne lettre qui était dessus, point-là, parce que j'ai dit, c'est tellement simplifié, je peux pas m'imaginer qu'est-ce que le S1 doit donner. Ah, ouais. Parce que tu vois, moi, j'ai une de mes amies, j'y ai fait acheter le J1, justement, il était en vente, puis il était pas cher, puis je me suis dit, tu sais, je lisais les critiques, puis c'était tout très bon, puis elle l'utilise en mode automatique, puis elle est contente, ça va super bien, puis tout ça. Mm-hmm. Elle avait peur au début, justement, parce que c'était fait dire, oh, c'est compliqué, faut que tu sais. J'ai dit, non, regarde, ça va être simple. Ouais. Mais ça me surprend un peu, j'avoue. Mais pour être simple, il peut être très, très simple aussi. C'est un bon, puis un c'est un mauvais côté pour nous, mais c'est un bon côté pour la majorité du monde. Mais quelqu'un qui veut s'initier, puis qui se dit éventuellement, je vais aller jouer dans les menus, je vais changer les trucs, il va avoir énormément de latitude pour le faire, mais la façon de le faire sera pas très conviviale, disons. Un petit retravail de tout ça serait peut-être Parce que, c'est ça, au début, on nous apprend justement, au lieu de nous dire... Ben là, t'es à tel degré de flou, t'es à, disons, F5.6. Là, t'es à tel degré, ben là, tu vas tomber à 6.3 ou... On ne l'affiche même pas à l'écran, ça. C'est en revenant à l'écran que là, ça me dit « Ah, là, je suis tombé à 5.6 parce que j'ai choisi la valeur aux deux tiers de l'écran. Ouais, » ouais, ça fait aucun sens. Ouais, ouais. Ça apprend pas aux gens, tu sais, à faire vraiment de la photo. Enfin. Pas la fin du monde, mais ça aurait Non, c'est ça. Ça aurait été un plus. Bon, dans les modes ISO automatiques, il n'y a pas de mode qui s'arrête à 1600. Il y a un mode automatique qui s'arrête à 800 ISO et un qui s'arrête à 3200, mais j'ai pas compris pourquoi il n'y a pas de un cran qui s'arrête à 1600. Tu peux pas décider de dire mode automatique maximum à 1600 ISO. Ben, whatever ce que tu veux, là, que ce soit 400, 800. Oui, c'est ça. Tu peux dire 400, 800, 3200. Mais pas 1600. Non. Okay. OK, moi je me suis dit, il y a peut-être juste, mettons, ils ont mis à 800 puis à 3200 max, mais c'est non. Il y a juste pas de ça doit être une erreur du micro-logiciel, par exemple. Je peux pas croire, sincèrement. En tout cas, heureusement, bon, il n'y a pas trop de bruit à 3200, mais c'est ça. Je serais curieux de savoir pourquoi il y a j'avoue que c'est drôle, celle-là. Puis un autre point, pas négatif, parce que c'était pas le cas avec l'appareil et l'objectif que j'ai testé, mais je me sentirais un peu limité avec l'objectif de base 10-30 mm. C'est sûr qu'il est plus compact que le 10-100, mais, c'est ça, je l'ai mesuré, il mesure 13 cm une fois tout déployé, ce qui est quand même assez long. C'est pas loin de 6 pouces. Tu vois, moi, mon ami a le 10-30, puis je vois un peu ce que tu veux dire. C'est correct, mais ça ressemble un peu aux objectifs qui viennent d'habitude, là, les 15-55, c'est quand même pas... on n'est pas très, très loin de ça, là. Mm-hmm. C'est semblable. Ouais, possiblement. Moi, c'est vrai qu'avec le facteur de rognage, on doit tomber dans les 20-quelques à 60-quelques, mais... Je sais pas. Mais je suis un peu d'accord quand même. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était un petit peu... Ça dépend ce qu'on veut faire avec. Moi, quand j'ai apporté mon X6 en voyage, ben à la plage ou quand on visite des villes, un 16-50, c'est pas beaucoup. Non. C'est mieux d'avoir un zoom un peu plus grand quand on... Mais moi, en temps normal... Avec mon appareil photo, je fais de la photo dans des pièces, dans des endroits plus fermés, plus exigus, si on veut. Là, j'ai pas de problème, mais en voyage, j'y ai pas pensé. Avoir juste un 16-50, j'étais limité un peu. Je pouvais pas zoomer comme je voulais, mais bon. Tu aurais pu activer le zoom numérique. Oui, c'est ça. Le zoom que je recommande de désactiver sur achat de l'appareil. Donc, au final, oui, je recommande très fortement le Nikon 1J3 avec l'objectif 1600 si votre budget vous le permet ou si ça vous dérange pas trop de le traîner dans un étui ou un sac parce que c'est ça, même refermé, là, ça prend quand même, je vous dirais, ça fait un bon carré, là, un bon 8 cm de long si on veut, là. Alors c'est cela, ça conclut notre 23e épisode. J'espère que ça vous a plu. Alors merci beaucoup messieurs. Merci. Merci beaucoup. Merci chers auditeurs et pour nous rejoindre, tiens, je vais laisser Christian donner les adresses pour faire changement pour une fois. Ah, il me prend là par défaut là, c'est incroyable. Donc c'est podcast à objectif numérique ou sur Twitter à au numérique. Parfait. Podcast à objectifnumérique.com. C'est mais ça, c'est j'ai bien. Dit. C'était pour voir si tu écoutais les 22 autres fois que je les ai données. Oui. Merci beaucoup tout le monde et à la prochaine. À la prochaine. Salut.